Ah, voilà quatre nouveaux qui arrivent, ils sont contents, ils chantent. Vite, le boulanger se lève, ils sortent en courant. Ils sont quatre qui sont visiblement ivres. Ils s'alignent devant la boutique. Le boulanger paraît sur la porte, tremblant d'émotion. Ça y est, vous l'avez retrouvé? Non, non, nous avons trouvé mieux que ça. En cherchant ta femme en volée, nous avons trouvé l'amitié. Figure-toi qu'on s'est retrouvé tous les quatre au château de la Pissardière. Et là, il y avait le monsieur. Nous lui avons raconté ton malheur, il a rigolé comme un bossu. Il a rigolé. Un peu plus, il s'étouffait. Et il nous a fait boire. Ah oui, il nous a fait boire. Et alors voilà, le monsieur, c'était un artiste. Il a fait une chanson, ou plutôt non, il a fait des paroles pour te remercier de nous avoir rendu l'amitié. T'as ma part, oh. Parce qu'il nous a donné un paquet aussi. Paquet pour toi. Tiens, voilà, c'est le cadeau de ta femme. Il lui tend un gros paquet ficelé dans du papier. Ça vient de ma femme? Oui. Et c'est pour moi? Et c'est pas pour monsieur le curé? Oh. Et elle a pensé à moi. Oh, c'est gentil, ça. Alors. De ses mains tremblantes, il déchire le papier qui contient une belle paire de cornes. Le pauvre amable sourit tristement. Et il rentre dans sa boutique, le regard vague avec ses cornes à la main. Le boucher et l'instituteur le ramène dans la salle à manger.